aux oubliettes, le B206. Voici le B210. Vraiment plus chouette ces nouveaux coloris, fluo vert et fluo gris. Et la forêt se barre tout en friche, en prospectus, en lettres, en affiches, pour annoncer au monde ignorant ce grand événement. Aux oubliettes, le B206, voici le B210. Vraiment plus chouette, quelle idée de génie, le parfumé Radani. Et le ciel tout autour de l'usine, broie du noir tire une drôle de bobine. Mais rien ne peut ternir l'attrait d'un si grand progrès. Aux oubliettes, le B206, voici le B210. Vraiment plus chouette le design d'enfer et de loupiote à l'arrière. Et la terre trinque, pillée et rentrée, une fois de plus, dame, rien ne se crée. Les vieux modèles encombrent et cassent pour faire de la place. Adieu la boîte en plastique. Et le prolo retourne au turbin. Et le patron se frotte les mains. Car le mieux-être, vous comprenez, ça n'est pas donné.